الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc toujours dans la série de cours de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, en guise d'explication du livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui est Sifat Salat al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Et on avait vu certains des chapitres du livre, on est arrivé au chapitre concernant la niya. Avant de commencer le cours, quelques annonces, inshallah. Aujourd'hui, c'est le dernier cours qu'on a après Salat al-Isha. Donc à partir de demain, et les semaines suivantes, inshallah, et ce sera inshallah jusqu'à la fin de l'été, à cause du décalage horaire qu'on va avoir, je pense, cette nuit, les cours seront après Salat al-Maghrib, inshallah. Donc pour les frères et les sœurs qui sont en Angleterre, ce sera à partir de 19h45, inshallah, c'est-à-dire directement après le Maghrib, parce que le Maghrib est à 19h30, donc ce qui fait, si je ne me trompe pas, 20h30 heure française, hein, et ensuite, inshallah, donc dimanche demain, ensuite samedi, dimanche, et ainsi de suite, donc c'est toujours après quoi? Après Salat al-Maghrib, inshallah. Donc ça, c'est important de le signaler. Deuxième annonce, c'est que on nous a fait remarquer qu'il y a un cours de Usul Talata, le 7e cours, qui ne fait que 2 minutes. Donc on va le réenregistrer, inshallah. Donc c'est pas que j'ai oublié, mais il faut juste trouver le temps, inshallah, pour le faire. Et tout ce qui concerne les cours, les horaires, etc., on conseille toujours de consulter notre site, Akum Salam, de consulter notre site qui est spfbirmingham.free.fr. Inshallah, si le frère qui s'occupe de l'ordinateur peut juste le retaper, inshallah. En sachant aussi que, ça c'est en troisième annonce, inshallah, qu'on organise une daura en langue française ici au Masjid de Salafi de Birmingham, inshallah. On a reçu l'accord des responsables. J'avais normalement une date à vous donner aujourd'hui, mais il y a un problème avec cette date-là. Et donc la date doit être changée, inshallah, et je vous ferai savoir, inshallah. Hein? Et pour les frères qui sont ici de Birmingham, évidemment, on aura besoin, inshallah, de vous bientôt pour une petite réunion, inshallah, pour savoir qui va faire quoi, etc., inshallah. Et pour les noms des gens qui sont invités, je garde ça sous réserve, inshallah, jusqu'à ce qu'ils confirment eux-mêmes les frères qu'on va inviter, inshallah, pour la daura, inshallah. On commence le cours, inshallah. Donc, chapitre sur niya, l'intention. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit « وَكَانَ عَلَيْهِ صَلَاتُ وَسَلَمْ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. » Donc, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, on avait dit que c'était un livre de Cheikh Al-Albani qui était la base du livre. Donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, et il, c'est qui évidemment, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, disait, les actions ne valent, et c'est une traduction approximative du sens du hadith, les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque personne n'est récompensée qu'en fonction de son intention. Là-dessus, on a l'explication de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala, et je viens de me rappeler la quatrième annonce que je devais faire, inshallah, c'était sur le cours de demain, qui change évidemment, parce qu'on a terminé quel livre? Le dimanche, on a terminé Usul Talata. Hein? Donc à partir de demain, inshallah, on commence un nouveau livre, qui est Usul Sitta de Cheikh Mohamed bin Al-Wahhab, rahimahullah, et qui est expliqué également par Cheikh Obel Al-Jabiri. D'accord? Donc on garde les mêmes auteurs, on change juste le titre du livre, c'est l'Usul Sitta, hein? Et c'est le premier cours à partir de demain, et qu'on rappelle, inshallah, les frères et les sœurs, d'assister au cours, que ce soit ici à la mosquée ou par internet, et d'essayer de commencer dès le début avec nous, hein, inshallah, pour tirer le bénéfice, inshallah, des cours depuis le début, inshallah, et essayer de mémoriser, qui est toujours manasiha, c'est toujours d'essayer de mémoriser, de comprendre le cours pour ensuite pouvoir l'appliquer et appeler aux notions qu'on a étudiées. On continue directement le cours ici, Inch'Allah. Donc, Cheikh Bezmoul commence ce passage en disant « النيّة هي استحضار العزم على فعل العبادة في القلب. قال العلماء والتلفظ بالنية بدعة. فلا يجوز أن يقف المصلي ويقول نويت أن أصلي أربع ركعات حاضرا مع الإمام. أو نحو ذلك من العبارات. لا ينبغي هذا. فإن المسلم إذا توضأ وذهب إلى المسجد أو ذهب إلى الصلاة فهذا الوقت بعد الأذان فإن هذا كاف في النية. بل إذا تلفظ بالنية وشوش على المصلين في المسجد ينبغي أن ينهى وأن يناصح، فإن أصر على ولي الأمر تعزيره بسبب أذيته للمصلين. Donc qu'est-ce que Cheikh Bezmoul nous dit, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le récompense et le préserve. Il nous dit la niya c'est quoi? C'est l'intention. C'est le fait d'avoir la résolution dans le cœur de faire un acte d'adoration. Hein, et c'est une notion qu'on avait déjà vue dans plusieurs de nos cours concernant la niya. On avait déjà vu dans l'aura, dans les stélahs, etc. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. On continue en disant, les savants ont dit, prononcer cette intention est une quoi? Une bid'a, il a dit, une innovation. Il est donc interdit que celui qui veut prier se tiennent debout et disent j'ai l'intention de prier 4 rak'at, unité de prière, en présence de l'imam, ou quelque chose de similaire. Donc ça c'est quoi? C'est le hukm de ça, c'est interdit. Il a dit le shir, le fait de prononcer cette niya, c'est une bid'a, c'est une innovation. Shir dit, continue, il dit, ceci ne convient pas, car le musulman, lorsqu'il fait ses ablutions et se rend à la mosquée, ou s'il va à la prière à cette heure-ci, après l'appel à la prière, après l'adhan, eh bien, cela est quoi? C'est suffisant. Il a dit kafin, il a dit le shir. Hein? C'est cela est suffisant comme quoi? Comme intention, comme niyanam. Il dit, mais de plus, s'il prononce cette intention et dérange les gens qui prient dans la mosquée, il faut l'en empêcher et le conseiller. Et s'il continue à faire cela, le gouverneur, c'est-à-dire hein, Walil Amr, celui qui a les gens dotés de pouvoir, le gouverneur, hein, le hakim, donc Walil Amr, le gouverneur se doit de le blâmer car il a porté atteinte aux musulmans. Shir continue en disant وقول بعض الفقهاء لابد أن يستحضر النية أو يعين أنها صلاة الظهر ويصليها على هذه الحالة في وقتها ويصليها جماعة. نقول إن هذا المسلم لما سمع أذان الظهر مثلا مشى إلى المسجد ووقف مع المسلمين فإن خروجه وهيئته وحاله كاف في النية. والنية ركن عند العلماء في الصلاة، وبدون النية تبطل الصلاة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ici je sais pas si vous avez la même faute de frappe ici hein vous ajoutez un lam inshallah لكل امرئ ما نوى. Je pense que vous avez tous la même édition que la mienne, non? De corriger, vous ajoutez un lam. Hein? Donc, qu'est-ce que nous dit Cheikh Bezmoul concernant ce point-là? Il dit ce que disent certains fuqaha, un faqih, fuqaha c'est le pluriel de quoi? De faqih. Faqih un fuqaha, et c'est les juristes consultent. Ils disent certains, il est obligatoire d'avoir cette intention et de là, de préciser que c'est la prière du dhuhr par exemple. Hein? Et qu'il l'a pris de telle manière à son temps et en jama'a, en congrégation. Nous disons, c'est-à-dire Cheikh Bezmoul, le musulman, lorsqu'il a entendu l'appel à la prière, du dhuhr par exemple, puis s'est rendu à pied à la mosquée, et s'est tenu debout avec les musulmans, eh bien que sa sortie et sa situation sont suffisants comme niya, comme intention. Cheikh continue en disant, et dans le hukm de la niya, il dit, l'intention, la niya est un rukn. On avait déjà vu c'était quoi un rukn. Dans quel cours on avait déjà vu ça? Hein? Shurut salah, les conditions de la prière, parce qu'on avait vu les shurut, l'arkan et le livre s'appelle Shurut salati wa arkaniha wa wajibatiha ou wa arkanuha wa wajibatuha. Il dit donc un rukn, un pilier chez les savants dans la prière. Et sans intention, la prière est ce qu'on appelle batila, c'est-à-dire qu'elle est nulle. Hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est la traduction approximative du hadith, les actions ne valent que par leurs intentions. Et chaque personne n'est récompensée qu'en fonction de son intention. Et je le rappelle pour les frères qui ont peut-être oublié, le hadith ici, c'est un hadith qui est rapporté par qui? Oui, Bukhari ou Muslim, non. Hein? Bukhari ou Muslim, et c'est donc un hadith qu'on appelle comment? Muttafiqun ou Muttafaqun? Muttafaqun. Il y en a, il a dit Muttafiqun, il y en a, il a dit Muttafaqun. Celui qui dit Muttafaqun, il dit pourquoi? Celui qui dit Muttafiqun, il dit pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Muttafaqun? Pourquoi? Peut-être il a raison. Ça n'a rien à voir avec Mubtada ou Al-Khabar. Parce que là, on est au milieu du mot, on n'est pas à la fin. Parce que tous les deux, il y a Muttafiqun, Muttafaqun. Hein? Il n'est pas sur un wazn maf'oul comme ça, non? Muttafaqun Ali. Hein? Hein? Jumma. C'est Muttafaqun Ali. Muttafaqun Ali. C'est-à-dire que quoi? Que l'imam ittafaqa ala takhrijhi al-imaman wa huma Bukhari wa. C'est un istilah chez les muhadithin, ala kulli hal, retenez qu'il est chez le Bukhari wa Muslim, et c'est donc ce qu'on appelle un hadith muttafaqun alayhi. Et vous avez dit que c'est un istilah qui est chez la majorité des muhadithin, mais pas tous. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport à ça dans un de nos cours? Qui a? Mais qu'est-ce qu'il a dit lui d'abord? C'est Majid ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit muttafaq alayhi, c'est Bukhari wa Muslim et Ahmed. Non, lui-même Ahmed. Et donc c'est aussi le hadith, le premier hadith des 42 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alors que les hadiths, celui qui veut un peu plus d'explications vis-à-vis de ce hadith, qui revient à l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen ou Cheikh Fawzan, il y a de nombreuses explications, ou même Ibn Rajab dans Jami' al-Ulum wa al-Hikam. On continue le cours avec le résumé que Cheikh Al-Albani rahimahullah a fait dans son résumé de la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que peut-être qu'il y a des frères qui n'ont pas l'habitude d'assister à nos cours ici. On avait dit que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a écrit ce livre qui est la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Il en a fait plusieurs éditions. Il a fait une édition en un tome qui est celle qui est traduite en français. Hein, on avait conseillé la traduction de Maktab al-Ma'arif, qui est l'édition qui publie le livre en arabe de Cheikh Al-Albani. C'est une édition qui est en couleur bleue avec la mosquée de Médine, à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ça, c'est l'édition qui est en un tome en arabe. Hein? Et puis il y a une édition, donc c'est comme ça. Si vous voulez, c'est déjà un résumé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une édition complète, en quoi? En trois volumes. Hein? On avait déjà parlé, vous avez amené, etc. Pour les frères et les sœurs qui n'ont pas assisté au cours avant, qui reviennent, Inch'Allah, sur notre site, au premier cours qu'on avait fait, on avait consacré presque tout le cours à tout ce qui concerne les éditions, etc. Mais il y a une troisième édition qui est assez importante, je vous avais dit pourquoi, et vous voyez maintenant de manière récurrente dans les cours qu'on la cite tout le temps. Hein? C'est quoi? C'est la toute petite édition, c'est le Moulakhas, ce qu'il appelait Talkhis Sifat Nabi, alayhi salatu wassalam. Et c'est l'édition la plus résumée en quelques pages. Et c'est de là que Cheikh Bezmoul tire à chaque fois quoi, les points en tout cas tirés en guise de résumé. Et il dit وقال المصنف في تلخيص صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا وهو شرط أو ركن وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة انتهى كلام شيخ الألباني رحمه الله تعالى. Et ça, je voudrais que vous notiez, hein, c'est en guise de synthèse. Donc l'auteur, Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son résumé de la description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, il est obligatoire que le prieur, c'est-à-dire celui qui veut prier ou qui prie, ait l'intention de prier la prière pour laquelle il s'est levé et de la préciser dans son cœur, comme l'obligation, le fard du dhuhr ou d'al-asr, ou comme il a dit, sunnatahuma, c'est-à-dire les deux sunnats de quoi? Les sunnats du dhuhr et du asr. Et l'intention, Cheikh Al-Albani continue en disant, et l'intention est un pilier ou une condition. Tandis que la prononcée est une innovation, une bid'a, contraire à la sunna, et que personne parmi ce qu'il appelait muqallidu, pardon, il a dit matbu'ul muqallidi l'a'imma, c'est-à-dire ceux qui suivent les muqallidin des a'imma. Du mot taqlid que vous connaissez certainement déjà, muqallid, taqlid, c'est le même mot. Et donc il dit que personne parmi eux n'a dit de faire cela. Hein, c'est juste pour prouver que hein, ce n'est pas une sunna et que le fait de prononcer, de manière résumée, le fait de prononcer la niya, c'est une bid'a hein, et que la niya, elle est dans le cœur. Et donc, c'est la fin des citations de Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah ta'ala. Donc, deuxième chapitre, on continue, inshallah. Chapitre sont assez courts, donc je pense qu'on va en faire trois aujourd'hui. Inshallah, donc le takbir, at-takbir. قال الشيخ الألباني رحمه الله ثم كان عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بقول الله أكبر وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر وكان يقول عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. C'est un hadith qu'on avait déjà vu dans un cours de quoi de Shurut Salah également, avec l'explication de Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Wa kana yarfa'u sawtahu bit-takbir hatta yusmi'a man khalfahu. Wa kana idha marida, alayhi salatu wassalam, rafa'a Abu Bakr sawtahu yuballighu an-nasa takbirahu alayhi salatu wassalam. Wa kana yaqulu idha qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Donc ce passage de Cheikh Al-Albani, la traduction approximative. Puis il, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, commençait la prière en disant « Allahu Akbar ». Ce qu'on a appelé dans plusieurs de nos cours « At-Takbir ». Le fait de dire « Allahu Akbar ». Et il a ordonné cela à la personne qui avait mal prié. « Al-Musi Salati ». C'est un hadith qui est très très connu. Hein? Vous avez dit que Cheikh Bezmoul, que les frères qui ont le livre en arabe, au tout début, vous allez voir, il a ramené toutes les riwayats, toutes les différentes versions, les différentes narrations de ce hadith-là. Et c'est le hadith qui raconte la personne qui a prié devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a mal prié. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé à chaque fois de recommencer jusqu'à ce qu'il lui ait montré comment prier. Évidemment, c'est un hadith après qui nous montre quoi ? Hein ? La description exactement de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail. D'accord ? C'est un hadith très connu chez les ulama. Et donc il dit, et il a ordonné cela à la personne qui avait mal prié. C'est à ça qu'il fait référence ici. Comme cela a été mentionné précédemment, parce que même dans ce cours-là, ici, on l'avait déjà cité. Et il lui a dit, والسلام, la prière d'une personne n'est complète que s'il accomplit parfaitement ses ablutions sur tous les membres, puis qu'il dit Allahu Akbar. Et il disait, والسلام, la clé de la prière est la purification. Et son tahrim, hein, son interdiction, on avait déjà vu qu'est-ce que ça voulait dire dans les durus de Cheikh Al-Abbad, mais on va le voir encore aujourd'hui, inshallah. Son tahrim, et le quoi ? Et le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et son tahlil, c'est quoi ? C'est son teslim, c'est le teslim, c'est la salutation finale. Et il veut la voix, alayhi salatu wassalam, pour le takbir, afin que ceux qui étaient derrière lui hein, l'entendent, afin de laisser les gens derrière lui l'entendre. Et lorsqu'il était malade, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiallahu anhu arzah, élevait la voix afin de faire parvenir aux gens le takbir du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Là, il y a des frères maintenant, ils vont se poser la question directement avec le micro, etc. Hein? On va parler de ça, inshallah. Et il disait, alayhi salatu wassalam, si l'imam dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Maintenant, on a justement l'explication de Cheikh Bezmoul, hafidhahullah ta'ala. Il dit, « Hada al-faslu min kalami al-musannifi, fihi bayanu, bima yadkhulu al-muslimu afan ila salah, akum salam. Yadkhulu al-muslimu ila salati bilafdi al-takbir. » ويسمي الفقهاء ici vous corrigez la faute ici c'est un ya ويسمي vous avez un alif مقصور ويسمي الفقهاء هذه التسميه بتكبيره الاحرام اخذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير ولماذا سميت هذه التكبيره بتكبيره الاحرام c'est une question que je pourrais vous poser hein? Pourquoi est-ce qu'on appelle cette takbira takbirat al-ihram? Exactement, c'est ce que veut dire Cheikh Bezmoul, Zakallahu Khairan, Ahsant. C'est quoi ? C'est qu'il y a des choses qui étaient licites avant la prière, et bien par cette takbira, on est rentré en état de prière, et que ces choses-là deviennent quoi ? Interdites. Muharrama, c'est pour ça qu'on appelle takbira tout l'ihram. On va voir ça en détail, Inch'Allah. C'est justement ce qu'il va dire d'ailleurs en arabe ici. Il dit قال العلماء لأنه بها يحرم عليه ما كان مباحا قبل أن يصلي يباح له أن يأكل وأن يشرب أن يتكلم أن يتحرك أن يعمل أي عمل لكن من ما أن يكبر ويقول الله أكبر فإنه يحرم عليه ما كان مباحا قبله فسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام Donc on va déjà faire ce passage-là en français, inchallah, pour que ce soit pas trop long pour les frères francophones. Donc l'explication de Cheikh Bezmoul, qu'Allah le récompense en bien et le préserve de tout mal, il y a dans ce chapitre de l'auteur, c'est évidemment l'auteur de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, la mise en évidence de la chose pour laquelle le musulman entre dans la prière, ou par laquelle le musulman entre dans la prière. Et c'est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et les fuqaha, on a déjà dit c'était quoi, c'est le pluriel de faqih, les juristes consultent, appellent ce takbir, takbirat al-ihram. Non qu'ils ont pris du hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tahrimuha al-takbir. Vous voyez, tahrimuha al-takbir. Donc, comment ils ont dit? Takbirat al-ihram. Pourquoi ce takbir a-t-il été appelé takbirat al-ihram? Le frère a répondu très justement, il a dit, les savants ont dit, hein, et c'est évidemment Cheikh Bezmoul ici qui répond à cette question, car par ce takbir lui est devenu interdit ce qui lui était permis, hein, avant la prière. Comme le fait de, il a donné des exemples, comme le fait de manger, le fait de boire, le fait de parler, le fait de bouger, de faire quelque action que ce soit. À partir du moment où il a dit Allahu Akbar, ce qui lui était permis avant lui devient interdit. Et c'est pour cela que ce takbir a été appelé takbiratu al-ihram. Et Cheikh, il continue en disant واستمعنا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وهذا التكبير باللفظ الله اكبر اللفظ فيه ركن من اركان الصلاه وظاهر النصوص انه لا يجزئ اي لفظ غيره فلا يجزئ ان تقول الله الكريم او الله العظيم او الله العزيز كل هذا لا يجزي لدخول الصلاه بل لابد أن تدخل الصلاة بقول الله أكبر وبهذا اللفظ تدخل الصلاة أما إن قلت الله الأعظم أو الله الأكبر voyez la différence entre الله الأكبر et الله أكبر الله الأعظم الله الأكبر أو الله العزيز أو الله الكريم أو الله الواحد أو الله الأحد أو سبحان الله أو لا إله إلا الله فإنك بهذا لا تدخل الصلاة حتى تقول الله أكبر لقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه غير ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي et d'ailleurs c'est hein, le titre complet du livre qu'on fait ici. On a vu au tout début que la raison pour laquelle et l'importance, en tout cas des points importants pour laquelle on étudie ce livre ici entre nous tous les samedis soirs, hein, qu'Allah fasse que ça dure, hein, c'est quoi? C'est que justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier comme il a prié. D'où l'importance de savoir comment prier. D'accord? Et Cheikh donc Bezmoul ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et nous avons écouté la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son tahrim et le takbir. Et ce takbir qui est le fait de prononcer la parole Allahu Akbar, cette parole est un pilier parmi les piliers de la prière. Ça, on avait déjà vu dans le livre de Cheikh Al-Abbad qu'on avait fait de Sharh Surat Salah wa Arkaniha wa Wajibatiha. Et ce qui est apparent des textes, d'après ce que dit Cheikh Bezmoul, ce qui est apparent des textes, c'est qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre parole. Comme Allahul Karim, Allahul Azim, Allahul Aziz. Il dit ce qu'il faut pour rentrer dans la prière, c'est quoi? C'est Allahu Akbar. Donc cela n'est pas ce qu'il faut pour rentrer dans la prière. Il faut absolument dire quoi? Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. C'est par cette parole que tu entres dans la prière. Tandis que si tu dis Allahu al-A'zam, Allahu al-Akbar, vous voyez la différence, peut-être pour les frères qui n'ont pas fait beaucoup de langue arabe, ici, nous, juste au niveau du son, Allahu Akbar et Allahu al-Akbar. Hein? Donc par quoi tu rentres dans ta prière, c'est Allahu Akbar. Hein? Et pas Allahu al-Akbar, ou Allahu al-Aziz, Allahu al-Karim, Allahu al-Wahid, Allahu al-Ahad. Hein? Ou subhanallah, ou la ilaha illallah. Tu ne rentres pas dans la prière tant que tu ne dis pas Allahu Akbar. En raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son tahrim, je rappelle l'obligation de dire sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on cite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et son tahrim est le takbir. Et car rien n'a été rapporté d'autre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, priez quand vous m'avez vu, priez. Maintenant, il y a un autre point, hein, qu'on va... Peut-être vous posez déjà la question, on a parlé du takbir, mais qu'en est-il du fait de lever les mains par rapport au takbir, hein? Ça, on va voir en détail ici, Inch'Allah. Et il dit, أما رفع اليدين معها فهذا السنة من سنن الصلاة ليست ركنا. الركن هو اللفظ الله أكبر. أما رفع اليدين معه أو قبله أو بعده. On va voir ici déjà que quoi qu'il y a trois quoi manières de faire de lever les mains lors de takbir al-ihram. On va les voir en détail après inchallah. C'est quoi? En résumé maintenant déjà, c'est pendant, avant ou après, tout simplement. D'accord? فهو من سنن الصلاة المؤكدة. قال العلماء والمصلي إذا قال الله أكبر استحضر بقلبه. Voyez bien ici بكوا بقلبه أن الله أكبر من كل شيء. الله أكبر كل شيء في الدنيا الصلاة أكبر منه. Et ça on va s'arrêter hein, on fait une petite nasiha à ce point là. Regardez qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici. Ça on doit prendre ça comme une nasiha du cheikh. Regardez qu'est-ce qu'il dit. استحضر بقلبه أن الله أكبر من كل شيء كل شيء في الدنيا الصلاة أكبر منه. Qu'est-ce qu'on va dire quand des fois quand on est occupé par les choses dunya on délaisse la prière. وَلِعَذُ بِاللَّهِ وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِهَذَا التَّكْبِيرِ صَوْتًا حَتَّى يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ وَحَتَّى يَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بُلِّغَ عَنْهُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ رَفَعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ يُبَلِّغُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ يُبَلِّغُ تَكْبِيرَهُ لِلنَّاسِ ففيه دليل على أنه يجوز أن يعيد تكبير الإمام إذا كان تكبير الإمام ضعيفا لا يسمع جميع المصلين في المسجد. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul ici sur le point du fait de lever les mains? Il dit quant au fait de lever les mains en même temps que le takbir, eh bien c'est une sunnah parmi les sunan et ce n'est pas un rukn, un pilier. Le pilier, le rukn, c'est de dire Allahu Akbar. Il faut bien faire la différence. Et vous voyez, hein, par rapport à certaines questions de frères, etc., qui sont relatifs au wuswas. Hein? Vous savez, quand vous avez le hukm en tête, tu ne peux pas avoir le wuswas à ce moment-là. Hein? Tu vois, les séchats rentrer et dire, ah, tu n'as pas levé tes mains, ta salah le batila, recommence ta kibbat l'ihram, recommence ta prière, hein, et ceci et cela. Hein? Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation où des frères et des sœurs, ils répètent. Et je vous assure que j'ai entendu des cas de personnes qui répétaient leurs prières pendant de dhuhr jusqu'à l'asr. Hein? Je vous assure que c'est des questions qui sont souvent posées. Hein? Qui répètent la salat al-dhuhr jusqu'à salat l'asr. Hein? Tel point que le wuswas, hein? Donc c'est important, il y a ikhwa. Je vous ai rapporté la nasiha de Cheikh Fala Ismail déjà. Que le talib, l'ilm, il n'est pas touché par le wuswas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, le fait que Dalil, il sait ce qu'il fait. Hein? D'accord? Et une des meilleures manières de, en plus de la science, de repousser le wuswas, c'est quoi? C'est l'inad. Hein? Tu ne fais pas attention. Tu ne fais pas attention. Shaitan, quand il vient, tu ne fais pas attention à ce qu'il te dit. Tu le repousses. D'accord? Ce n'est pas le sujet du cours. Je vous avais demandé de me rappeler ça, de faire un cours. Vous vous souvenez qu'on a fait les cours sur les ablutions, shurut salah, arkan, etc. Vous avez demandé de dire que j'avais un bon cours sur l'Uthaymin là-dessus. Hein? Et que Inch'Allah, ce sera important un jour qu'on fasse un cours sur le wuswas. Hein? Parce que comme Cheikh Fala Ismail avait dit, il a dit, Shaitan, il commence par tahara avec toi. Mais ce n'est pas ce qu'il veut de toi. Ce qu'il veut de toi, c'est l'aqidah. Hein? Et il rentre par le bab tahara en général. Allah musta'an. Assalamu alaikum. Donc ce qu'on avait dit ici, c'est quoi? C'est le rukn, c'est de dire Allahu Akbar. Donc il faut bien que tu situes ça quand tu fais ta prière. C'est quoi? C'est ton rukn. Hein? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rukn, ta prière elle est batila. C'est quoi? C'est le fait de lever les mains ou de dire Allahu Akbar? Dire Allahu Akbar. Maintenant, le fait de lever les mains, c'est une sunnah parmi les sunan al-mu'akkada, comme l'a dit le cheikh ici. Tandis que lever les mains avant ou après, regardez bien, avant ou après ou en même temps, ça c'est juste les manières, mais lever les mains, c'est lever les mains. Hein? Que le takbir, hein, cela fait partie des sunan mu'akkada. Les savants ont dit, quand al-musalli, c'est-à-dire celui qui prie, dit Allahu Akbar, il a présent dans son cœur le fait qu'Allah est plus grand que toute chose. Allahu Akbar. Et que toute chose dans ce bas monde, eh bien la salah, la prière est plus grande que cette chose. Hmm? Alors qu'en est-il des gens, comme j'ai dit, qui s'occupent des choses de ce bas monde au lieu de la prière? Allah al-musta'an, Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous en préserve, ikhwa. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononçait ce takbir à haute voix afin que les gens derrière lui l'entendent. Et s'il était malade, alayhi salatu wa sallam, et qu'il ne pouvait pas élever la voix sallallahu alayhi wa sallam, son takbir était retransmis. Et la preuve de cela est le hadith que Cheikh Al-Albani a cité, que l'auteur Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, le hadith, dont le sens est, lorsqu'il était malade, Abu Bakr, c'est-à-dire qui lorsqu'il était malade? Est-ce qu'il, c'est Abu Bakr ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est important de situer ça. Hein, je vous demande un peu de patience, je sais qu'il est un peu tard aujourd'hui, mais Inch'Allah, à partir de demain, sera un peu plus tôt. Hein. Lorsqu'il était malade, Abu Bakr, c'est-à-dire lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était malade, c'est ça qu'il faut comprendre, Abu Bakr élevait la voix afin de parvenir aux gens son takbir. Al-damir ya'udu ila man, al-takbirahu, al-ha, c'est un damir ici ou pas? Ya'udu ila man, hal ya'udu ila Abi Bakr, am ya'udu ila al-rasul sallallahu alayhi wa sallam? Ya'udu ila al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est pour ça que j'ai traduit en disant afin de faire parvenir aux gens le takbir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein, parce que dans le hadith c'est son takbir. Abu Bakr radiallahu anhu arda transmettait donc son takbir aux gens. Il y a en cela la preuve qu'il est autorisé de répéter le takbir de l'imam si le takbir de l'imam est faible et que tous les prieurs dans la mosquée ne l'entendent pas. Et Cheikh, maintenant il va parler de ce qui concerne les microphones, etc. Et il dit, أما اليوم بعد وجود الميكروفونات فإنها تقوم بهذا العمل فالتبليغ مع وجود الميكروفونات وسمع صوت الإمام بالتكبير لا يظهر أنه من السنة والله أعلم ينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام. Maintenant il va parler de quoi, et on traduira tout le tout après ensemble inchallah. Il parle de quoi? Du fait de quand faire le takbir, quand on est derrière un imam. وهذا يدي ويكون التكبير تكبير المأموم عقب تكبير الإمام وهذا ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر فإنه ينبغي أن يكون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام وهذا من المتابعة فإنما جعل الإمام ليؤتم به. Et avec ça on a fini ce point là inshallah ta'ala. Donc qu'est-ce que Cheikh Bazmou nous dit ici en guise d'explication de ce point-là? Il dit, tandis qu'aujourd'hui, les microphones jouent ce rôle. Il parle de quel rôle? De retransmission de quoi? De la parole de l'imam. Il dit, donc le fait de transmettre ce takbir avec l'existence de ces microphones, écoutez bien, à l'existence de ce microphone, alors que les gens entendent par cela le takbir de l'imam, eh bien Cheikh dit, cela n'apparaît pas comme faisant partie de la sunnah. Et Allah est plus savant. Allah, Wallahu a'lam. C'est-à-dire que s'il y a un microphone et que les gens entendent le takbir de l'imam par ce microphone, bien Cheikh il voit, il dit Wallahu alam que ça ne fait pas partie de la sunna à ce moment-là de quoi de répéter après l'imam le takbir. Cheikh ensuite continue en disant, il convient que le takbir de celui qui prie derrière l'imam, il précise, de celui qui prie derrière l'imam soit directement, ce qu'il a dit aqiba, hein, directement après celui de l'imam. Ceci fait partie de al-mutaba'a, le suivi de l'imam. Car l'imam n'a été placé que pour que l'on prenne exemple sur lui. Il a cité une parole qui est en fait une partie d'un hadith. Innama ju'ila al-imam li'utamma bih. Hein? Et on finit. On finit encore un petit chapitre ou on arrête ici? Qu'est-ce que vous dites? Le chapitre il est assez court. Et je pense que c'est important. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il va faire un résumé de tous les chapitres qu'on a fait maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Passer encore 10 minutes, un quart d'heure, inchallah. Hein, ça va? Nouveau chapitre, donc, Raf'ul Yadayn. Le fait de lever les mains. Et en fait, c'est le détail de ce dont on vient de parler. Qala Cheikh Al-Albani rahimahullah, wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a at-takbir, wa taratan ba'da at-takbir, wa taratan qablahu. Kana yarfa'uhuma mamdudat al-asabi', la yufarriju baynaha wa la yadhammuha, wa kana yaj'alhuma حذو منكبيه وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'Allah lui fasse miséricorde, il levait ses mains, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, parfois en même temps qu'il prononçait le takbir, parfois après et parfois avant. Il est levé en ayant les doigts tendus. On va voir qu'est-ce que ça veut dire par tendu. On va voir qu'il y a des erreurs que certains gens font. Il va dire qu'il ne faut pas écarter, qu'il ne faut pas non plus joindre, hein? Qu'il faut simplement, naturellement, quoi, étendre les doigts et faire le takbir. On va voir ça, Inch'Allah. Et justement, ici, entre les parenthèses, il dit, il est levé en ayant les doigts tendus. y a une odeur de... Vous ne sentez pas? Il y a quelque chose qui brûle. Si, si, il y a une odeur de brûlé, je suis certain. C'est même assez fort, subhanallah. C'est dehors? C'est important qu'ils vérifient parce qu'il y a peut-être des sœurs de l'autre côté. À la Kouliham. Mais il dit, regarde un peu, s'il te plaît. Il levait donc ses mains, alayhi salatu wassalam, parfois en même temps qu'il prononçait les takbir, parfois après et parfois avant. Il le levait en ayant les doigts tendus, ni écartés, ni joints. On va voir ce que ça veut dire après, Inch'Allah. Il les levait à la hauteur des épaules et parfois à la hauteur du lobe des oreilles. Maintenant, l'explication de Cheikh Bezmoul de ce court passage-là. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, تكبيرة الإحرام التلفظ بها ركن أما رفع اليدين معها فهي سنة من سنن الصلاة وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يرفع يديه أثناء تلفظه بالله أكبر وتارة كان يتلفظ بالله أكبر ثم يرفع اليدين وتارة يرفع يديه ثم يقول الله أكبر يا غير Tu sais ce que c'est? Ça, vous sentez ou pas? C'est dehors? Tu sens pas? Je vous assure que c'est quand même fort. Vous sentez pas? Tu sens toi? Hein? C'est quand même fort, hein, ce parle. Hein? C'est peut-être mon odorat qui peut. Je sais que je le sens, c'est pas ouf, ouais, ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait? هذه ثلاث هيئات من هيئات رفع اليدين من تكبيرة الإحرام. مرة كان يرفع يديه مع التكبيرة مع أنغاب. ومرة كان يكبر أولا ثم يرفع اليدين ومرة كان يرفع يديه أولا ثم يكبر عليه الصلاة والسلام هذه ثلاث هيئات من هيئات من هيئات سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام إذن الدخول إلى الصلاة يكون بفرض وسنة et ça on va détailler après ça c'est très important ce qu'il va dire le cheikh ici on va déjà traduire ce passage là il dit prononcer تكبيرة الإحرام C'est quoi qu'on a dit? C'est quoi son hukm? C'est un ruknun. C'est un ruknun. C'est un ruknun, donc c'est un pilier. Tandis que lever les mains, c'est une sunnah. Hein? Avec le takbirat al-ihram. Donc le fait de lever les mains avec takbirat al-ihram, c'est une sunnah parmi les sunnahs de la prière. Il a été rapporté de manière authentique des hadiths qui indiquent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parfois lever les mains en même temps qu'il prononçait la takbir al-ihram, c'est-à-dire Allahu Akbar, exactement comme ça. C'est un peu difficile pour les gens qui sont sur paletot, qui ne voient pas, mais à la Kulihal, je pense que c'est assez facile de se représenter. Hein? Juste le fait de dire, de lever les mains en même temps que le fait de dire Allahu Akbar. Hein? C'est assez facile, je pense, de comprendre. Donc on a dit en même temps, ça, oulala. Qu'il prononçait la takbir al-ihram, Allahu Akbar. Et parfois, il prononçait la takbir al-ihram, puis levait les mains, c'est-à-dire Allahu Akbar, exactement comme ça, d'accord? C'est-à-dire que tu dis la takbira et ensuite tu lèves les mains. La troisième manière, c'était quoi? Puis parfois, il levait les mains, puis disait Allahu Akbar. C'est-à-dire que tu lèves les mains, puis tu dis, hein, tu lèves les mains, puis tu dis Allahu Akbar. Il dit ces trois manières sont les trois manières de lever les mains pour la takbir al-ihram. Une fois en même temps, une fois avant et une fois après takbir al-ihram. Ces trois manières sont les trois manières qui ont été rapportées concernant la sunna. Et on a dit la sunna de lever les mains avec la takbir al-ihram. Cheikh, il dit, le fait d'entrer dans la prière se fait donc avec quoi? Déjà, dans votre esprit, vous devez voir maintenant que quoi, on rentre dans la prière avec un fard et une sunna. Sahoulala. Il faut comprendre ce que ça veut dire. D'accord? Il dit quoi? Il dit... Le fard, c'est quoi? Et en vérité, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était un rukn. c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et la sunna, c'est le fait de lever les mains. Et Cheikh, justement, il dit quoi? Il dit ici, إذن دخول إلى الصلاة يكون بفرض وسنة. الفرض هو التلفظ بالله أكبر والسنة ورفع اليدين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في تكبيرة الإحرام يجعلها حذو منكبيه حذو كتفيه les épaules, les deux épaules, hein, ce qu'on en français on dit simplement les épaules parce qu'on sait qu'on en a deux. وأحيانا يرفعهما حتى يحادي بإبهامه فروع أذنيه وتكون الأصابع في اليدين ممدودة على هيئتها لا مفرجة ولا مضمومة على الهيئة العادية والمقصود بالتفريج ألا يفرق بين الأصابع ومن المخالفات في هيئة رفع اليدين بالتكبير ما يفعله بعض المصلين من ذلك يبقي فاسيتي certaines erreurs que font certaines personnes dans la salah concernant le fait de lever les mains. On va les voir après, Inch'Allah. On va d'abord s'attacher et étudier le point qu'on vient juste de dire. Il dit donc, le fait d'entrer dans la prière se fait avec un fard et une sunnah. Le fard, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et la sunnah, c'est de lever les mains. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il levait ses mains lors de takbir al-ihram, il est levé à la hauteur de ses épaules et parfois à la hauteur du lobe des oreilles. Est-ce que maintenant le cheikh, il a dit qu'il fallait toucher les lobes des oreilles? Non, hein? Donc il a dit à la hauteur du lobe des oreilles. Et les doigts des mains sont droits comme ils le sont naturellement. Comme ils le sont naturellement, sans joindre, sans écarter. Hein? Naturellement, tu lèves tes mains naturellement à la hauteur des épaules ou à la hauteur du lobe, hein, des oreilles, d'accord? Et les doigts des mains sont droits comme ils le sont naturellement, sans les écarter ni les joindre, comme il dit Shir. Et ce que l'on veut dire par at-tafrij, hein, la yufarrij, hein, du verbe farraja, le tafrij, c'est d'écarter les doigts les uns des autres. Parmi les erreurs que font certains prières concernant la manière de lever les mains, et il cite maintenant certaines de ces erreurs-là, pour ne pas justement qu'on tombe dans ces erreurs. Il nous a montré comment faire, et il nous met en garde sur certaines erreurs. Et ça fait partie de, hein, mashallah, yani de son excellent enseignement, hafidhahullah ta'ala. Et il dit donc, رفع اليدين تحت الكتفين عند الثديين. Donc on va les faire un par un, ce sera peut-être plus facile pour vous pour les noter. Il dit donc, c'est lever les mains en dessous des épaules à la hauteur des thadiyin. Pour les hommes, c'est les pectoraux, d'accord? Il dit ensuite, وثني أصابع اليدين عند التكبير, de plier les doigts, les mains lors du takbir. Troisième erreur que font beaucoup de gens, que font certaines personnes, أن يستقبل ببطن اليدين الوجه أو يجعلهما قبال بعضهما. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Pour les frères qui ont un peu d'arabe. Je répète. Ouïd. Hein, on a dit quoi? Regardez. An yastaqbila bi batni al-yadayni al-wajha. Aw yaj'alhuma qibala ba'dihima. Qu'est-ce que vous comprenez? Montrez-moi avec vos mains. C'est juste comme ça. Donc, c'est-à-dire, avec la paume des mains, montrer. Non, faire face au visage. Ça, c'est la première. Ou la deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Exactement, comme ça. C'est-à-dire que les deux paumes se fassent l'une l'autre. Donc ça, c'est une erreur que font les gens. Ça doit être en direction de quoi, en fait? La qibla, exactement, c'est ça. Certaines personnes, vous vous étonnez pas, il y a des gens qui font ça, c'est pour ça que le cheikh l'a dit. Hein? Une fois qu'il y a des erreurs, on peut dire n'importe quoi, parce que des erreurs, c'est pas basé sur le dalil. Faut pas être étonné de... Même après, il va dire le cheikh qu'il faut pas lever qu'une main. Peut-être qu'il y a des gens qui le font, Allah alim. Hein? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il ne faut pas le faire, c'est tout. Et de comment faire, d'accord? Donc c'est une erreur, il a dit, c'est quoi de mettre les paumes des mains en face du visage, hein? C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'il faut faire, en fait. Ou bien de faire, hein, que les paumes se fassent l'une l'autre. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... أن يباعد بين يديه كثيرا عن جانب الكتفين عند التكبير. C'est-à-dire que d'être écarté de trop les mains lors du takbir au point d'arriver à l'extrémité des épaules. Hein? Ensuite, il dit, je pense que c'est la dernière des erreurs qu'il a citées ici, ou l'avant-dernière. أن يرفع يدا واحدة دون الأخرى. Ça, vous voyez, c'est assez flagrant que c'est une erreur. C'est-à-dire quoi? De lever une main sans lever l'autre. Ensuite, il dit quoi? أن ينثر يديه بالتكبير نثرا. C'est-à-dire quoi? De disperser les mains Et ça, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu dire le cheikh. Alors, on va laisser ça comme ça jusqu'à ce qu'on lui pose la question, inchallah. Disperser les mains. Et le point suivant, c'est quoi? Il dit le cheikh. An yarfa yadayhi fawqa ra'sihi. De lever les mains au-dessus de la tête. Alors, le cheikh, il a cité quelques erreurs qu'il a peut-être pu voir lui, hein, que les gens font. Alhamdulillah, c'est bon pour nous mettre en garde sur ces erreurs-là. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est comment il faut faire. Hein, c'est-à-dire à la hauteur des épaules, à la hauteur de quoi, hein? Dès le soir, on va le voir ça en résumé ici après, Inch'Allah. Hein, sans joindre, sans, hein, écarter les doigts, hein, en face, face à la Qibla. Yani, hein, et je pense que c'est assez évident, Inch'Allah, comment faire. Maintenant, il rapporte et il dit كُلُّ هَدِي الصِّفَاتِ خِلَافُ السُنَّةِ. Évidemment, toutes les sifat, là, les manières qu'il a rapportées maintenant, eh bien, elles sont quoi? Elles sont contraires à la sunna. Et il dit, il termine, et c'est pour ça que j'ai voulu, comme j'ai insisté peut-être un peu pour faire ce chapitre-là, parce qu'il rapporte maintenant le résumé des deux derniers chapitres qu'on vient de faire. C'est-à-dire quoi? At-takbir et raf' al-yadayn. Pourquoi? Parce que quelque part, ils vont ensemble. Et il dit وَقَدْ لَخَّصَ الْمُصَنِّفُ هَدَيْنِ الْفَصْلَيْنِ فِي قَوْلِهِ فِي تَلْخِيصِ صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوَّلًا ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَهُوَ رُكْنٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِفْتَاحُ صَلَاةِ الطُّهُورِ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. Donc ici c'est le résumé qu'il a pris de quoi, des deux chapitres qu'il a pris du résumé que Cheikh Al-Albani lui-même a fait, hein, dans son livre justement Talkhis. C'est le résumé des deux chapitres sur Takbir et Raf' al-Yadayn. Et il dit, premier point, je voudrais que vous les notiez, Inch'Allah. Commencez, sauf si vous avez la mémoire de l'imam Bukhari, ça c'est autre chose. Commencez la prière en disant Allahu Akbar. Et ceci est un pilier. En raison de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière est la purification et son tahrim. On a vu c'était quoi le fait de dire tahrim et le takbir. Et son tahlil et le teslim, la salutation finale. Deuxième point, de ne pas élever sa voix dans toutes les prières, sauf s'il est imam. Et ça, c'est une erreur, je suppose, que vous avez déjà vu beaucoup les gens faire. Hein? Quand ils sont pris ce qu'on appelle comme un munfarid, il élève sa voix. Donc, regardez ce qu'il a dit le cheikh ici. De ne pas élever sa voix dans toutes les prières, sauf s'il est imam. Pourquoi? Parce que le prophète, il élevait sa voix pour faire entendre les gens qui étaient derrière lui, parce qu'il était imam, alayhi salatu wassalam. Troisième point, il est permis au muadzin, hein, de transmettre le takbir de l'imam aux gens. Et Cheikh dit, idha kana al-muqtadi li dalik, il a dit, je pense qu'il a utilisé le mot muqtadi, hein, on l'a pas lu en arabe, hein. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, le deuxième point, c'était wa la yarfa'u sawtahu bit-takbir fi kulli salawat illa idha kana imaman. Ça on a déjà dit en français. Wa yajuzu tabligh al-mu'addin takbir al-imam ila an-nas idha wujida al-muqtadi lidhalika. C'est-à-dire quoi? Si le besoin s'en fait sentir. Kamarad al-imam wa da'fi sawtihi aw kathrat al-musallin khalfahu. Donc qu'est-ce que dit Cheikh ici? Il est permis au muaddin de transmettre le takbir de l'imam aux gens si le besoin s'en fait sentir, comme la maladie de l'imam et la faiblesse de sa voix, ou le grand nombre de gens qui prient derrière lui. Quatrième point, نقطة الرابعة, ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. Qu'est-ce qu'il a dit le cheikh ici? Que celui qui prie, c'est le ma'moum, on l'appelle, c'est celui qui est derrière l'imam. Hein? On avait déjà vu, ça y avait le munfarid, le ma'moum et l'imam. C'est quoi le munfarid? Celui qui prie à l'infirad, c'est-à-dire qui prie tout seul. Le ma'moum, elle a dit Ammuhu l'imam, c'est-à-dire celui qui est derrière l'imam. Et puis il y a l'imam, c'est l'imam que vous connaissez, d'accord? Il dit donc que celui qui prie derrière l'imam ne fasse le takbir qu'après que l'imam ait fini le takbir. Cinquième point. Wa yarfa'u yadayhi ma'a at-takbir aw qablahu aw ba'dahu. Kullu dhalika thabitun fi as-sunnah. C'est quoi? C'est de lever les mains. Et après, je vais vous poser une question importante, parce que c'est un point important dans la sunna. De lever les mains lors du takbir, en même temps que le takbir, ou avant ou après. Ces différentes manières ont toutes été rapportées dans la sunna. Là, il y a peut-être une question qui doit vous arriver à l'esprit ici, c'est, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la réponse? Non, même quand on va dire que tu pries tout seul. C'est juste ce que tu as dit, mais on va dire que tu pries tout seul. Hein? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle justement khilaf tanawwu'. C'est pas un khilaf tadad. C'est-à-dire que hein, c'est comme dans ta tashahhud qu'on va voir dans plusieurs leçons inchallah. Une fois tu fais ça, une fois tu fais revivre la sunna. Hein? Et ça c'est subhanallah. C'est justement le plaisir de prier derrière un salafi. Hein? Salafi, un imam normalement, il fait revivre le sunan. Et souvent, il suscite même des questions chez les gens. Les gens veulent voir après, mais pourquoi? Pourquoi t'as mis ta jambe comme ça? Pourquoi, hein? Pourquoi tu as fait comme ça avant? Pourquoi tu as... Mais justement, c'est la manière de quoi? Une des manières d'enseigner la sunna, de pratiquer la sunna. Donc, comme l'a dit le frère très justement ici, c'est quoi? C'est qu'une fois tu fais comme ça, une fois tu fais comme ça pour faire revivre la sunna. Hein? Donc, ce qu'on appelle khilaf tanawwu'. D'accord? Sixième point. C'est-à-dire que quoi? C'est de lever les deux mains avec les doigts étendus. Comme l'a dit Cheikh, comment naturellement? Tu lèves tes mains. Pourquoi il n'a pas dit Mamdoudatani l'asabi'? Je vois des têtes qui se lèvent là. Pourquoi il n'a pas dit Mamdoudatani l'asabi'? Hein? Il y a un noun qui est parti là, pourquoi? Hudifa lil idafa, na'am. Septième point. وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ وَأَحْيَانًا يُبَالِغُ فِي رَفْعِهِمَا حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أَطْرَافَ أُذُنَيْهِ انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc septième point, dernier point à tirer de ces deux chapitres. De lever les paumes des mains à la hauteur des... Des épaules. Non, je fais une erreur ici. Des épaules. Et parfois de lever plus jusqu'à arriver à la hauteur du lobe des oreilles. Et fin de citation de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et je vous remercie pour votre patience. Et donc à partir de demain, inshallah, nos cours samedi et dimanche sont après le Maghrib, inshallah. Allah yazikoum bikhir, barakallahu fikoum. Yani venez demain, inshallah, c'est un nouveau livre. C'est un nouveau début, c'est une nouvelle résolution, c'est un... Hein? J'ai des frères qui rigolent. Hein? Vous m'avez compris. Hein? C'est une nouvelle résolution, c'est tout est nouveau, alhamdoulilah. Juste là, on garde les mêmes chouyours, hein, les mêmes... Hein? D'accord, c'est quoi? C'est Sharh Usul Sittah de Cheikh Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah. Et je vous ai dit qu'on fait ça en guise par rapport à la nasiha, en application de la nasiha que Cheikh Falah Ismail m'a donné quand j'étais le visiter il y a quelques semaines. Il a dit, faites ce livre, c'est un bon livre. Il a dit, lui, il lui donne, Cheikh Falah Ismail, il lui donne beaucoup d'importance. Et c'est vrai, quand il était venu chez nous en Belgique, il y a plus de 7 ans, maintenant, là, 6 ans, hein, il avait fait quelques points de ce livre-là. Hein. Et justement, je pense que le sien est en train d'être imprimé, celui de Cheikh Falah Ismail. D'accord? Et donc, je lui ai dit, je lui parlais du Sharh de Cheikh Obeid, je lui ai dit qu'il était très détaillé. Il a dit, alhamdoulilah, c'est détaillé, tant mieux, il a dit, parce que c'est un livre qu'il faut maîtriser, il a dit. Hein, parce qu'il a dit, fihi din wa dunya. Donc, ikhwa, Allah yazikoum bikhir, remotivez, hein, remotivez les troupes, inshallah. Remotivez-vous les uns les autres, inshallah. Remotivez-moi avec vous, inshallah. Hein, pour que demain, inshallah, qu'on ait beaucoup de frères, qu'on assiste, inshallah. C'est un nouveau livre. Et je vous assure que même le maître, il est très court. C'est 6 fondements. Et vous allez voir que le fondement, justement, ça s'appelle un fondement parce que c'est les bases de la religion. Comme on va le voir dans le cours de demain, justement, inshallah. Parce qu'on va définir c'est quoi l'asl, etc., inshallah. Et justement, vous allez voir, Cheikh Obeid, je ne sais pas si quelques frères l'ont en arabe ici, le livre. Je vous assure, le livre, il est masha'Allah. Hein? Il est vraiment, il rentre en détail, il rapporte des aqwal de salaf, il explique les aqwal de salaf, il rapporte des ayats, il fait le tafsir des ayats, il rapporte des choubouhats, il répond à ses choubouhats, des questions. C'est vraiment masha'Allah. C'est vraiment très, très, très complet. D'accord? Et même Cheikh lui-même, il dit, c'est un résumé, je vais faire un plus complet encore, Cheikh Ben Jaberi. Hein? Vous savez, les choubouhats, ils peuvent toujours plus détailler. Hein? D'accord? Donc, Inch'Allah, que si on se remotive, qu'on fasse ce cours à partir de demain, Inch'Allah, au Sul-Sitta. Demain ici, après le Maghrib, wa jazakum Allahu khairan, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.